Bienvenue, bienvenue dans cette émission qui aura parmi ses thèmes celui des camps. Bienvenue dans ce monde qui n'en finit plus de choisir son camp. Des choix binaires qu'on peut toujours faire mine de prendre au sérieux, qu'il s'agisse de peser le pour, de peser le contre. Il n'empêche qu'à la fin ce choix nous échappera et on se le prendra sur le petit orteil ou dans la gueule. Alors, pour ou contre, de droite ou de gauche? Certes, la barricade n'a que deux côtés, paraît-il. Mais je suis pas sûr d'être raccord avec toutes celles et ceux qui sont de mon côté. Les barricades, on pense à Louise Michel, qui a choisi son camp pénitentiaire d'exil en Nouvelle-Calédonie, où ses camarades communards du même côté de la barricade, pour un temps, choisiront leur camp, eux aussi. Mais pour mater les révoltes canaques de 1878, aux armes, haros sur les sauvages, et vive la France. Bienvenue dans un monde où choisir son camp, bien souvent, c'est trop tristement rentrer dans le rang. Bienvenue dans ce monde où pour faire de sa vie une aventure, on s'engage dans l'armée. Bienvenue dans cette émission qui, une heure par mois, appelle à tout refuser. Bienvenue dans cette émission où il sera question de l'aliénation militaro-spectaculaire qui nous fait voir un monde en noir et blanc. Un monde où les gentils sont si gentils qu'ils écrabouillent gentiment les méchants. Bienvenue dans ce monde qui pue les larmes, la merde et le sang. Ce monde des bombes à sous-munitions qui pètent sous les pieds des enfants. Bienvenue dans le monde que vous n'avez jamais connu autrement. Celui de Thalès, Dassault et Macron. Celui de Safran, MBDA et Vernet Caron. Bienvenue dans un monde depuis trop longtemps, aux mains des marchands de canons. Big up sécurité derrière nous, papa. Sécurité, tu fous la chiasse. Cette chanson s'appelle Tachycardie. Ouais. Ouais. Bienvenue en Tachycardie. C'est quoi la pilule du midi? Ce sont pas pire en Tachycardie. Pour faire la veille jusqu'à matin. C'est de l'état étrange. C'est de l'état étrange. C'est de l'état étrange. C'est de l'état étrange. Bienvenue dans cet univers argumenté au millimètre. Chez nous, y'a de la place pour les traîtres. Viens pas ici pour voir la traîtres. C'est de l'état étrange. C'est de l'état étrange. C'est de l'état étrange. C'est de l'état étrange. Un sentiment bizarre de prendre la nuit. Que je m'aime le matin. Les mecs qui sonnent pour prendre le train. La route est longue jusqu'au turbin. C'est de l'état étrange. Je veux plein de gosses, un porte-monnaie, un veste-cœur, un ascenseur, une putain de soeur, c'est étrange. C'est étrange. C'est étrange. C'est étrange. Ouais. C'est comme ça, on peut rien y faire. Viseur en mer, au téléphone, fais attention au cellulaire, au carcéral, au carcéral. Oh, Prenez pas trop de speed quand même. Merci. Ça va toujours ? Bienvenue en tachycardie, allez, on reprend son souffle. Le morceau que vous avez entendu, c'est un enregistrement footrack d'un concert sauvage en plein air il y a plus de 10 ans, comme une dédicace au cardiaque et à l'auteur de cette chanson qui se reconnaîtra même si je suis pas sûr qu'il se rappelle de cet enregistrement. C'était il y a longtemps. Aujourd'hui, on est le 4 septembre, il est 17h08 et vous êtes sur le 89.5 FM de Radio Duo dans l'émission antimilitariste J'irai pas, tous les premiers mercredis du mois à 17h. Ce mois-ci, je vais parler de Louise Michel, pour m'aligner sur la quinzaine Louise Michel qui aura lieu du 8 au 22 septembre dans la ville de Saint-Étienne. 15 jours dédiés à la découverte de sa vie, ses actes, son œuvre, avec des lectures, des spectacles disséminés dans la ville. Vous aurez régulièrement un rappel du programme sur ces ondes, tendez l'oreille. Et je vous propose d'étudier un moment de la vie de Louise Michel et on éclairera ce moment de réflexion antimilitariste. Pour ça, j'ai choisi son passage en Nouvelle-Calédonie, après qu'elle a été condamnée à la déportation, là-bas. Mais tout d'abord, resituons le personnage, modestement. Modestement parce que, si vous voulez en savoir plus et mieux, vous vous intéresserez au programme très touffu de la quinzaine Louise Michel. Alors, elle est née en Haute-Marne en 1830, morte à Marseille en 1905. On peut dire qu'elle a été une inlassable militante révolutionnaire, féministe, anarchiste à la fin de sa vie, et qu'elle a mené une intense activité enseignante. Bien que sous le Second Empire, elle ne put qu'être sous-maîtresse, puisque pour être institutrice, il fallait prêter serment à Napoléon III, ce qu'elle se refusera à faire, et des refus toute sa vie en est parsemé. En 1870-1871, elle participera très activement au mouvement révolutionnaire de la Commune de Paris, et après la Semaine sanglante, donc après l'écrasement de la Commune par Adolphe Thiers, elle sera arrêtée, elle passera quelques années en prison et sera finalement condamnée à la déportation. Alors ce procès, il est assez épique et d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, je crois qu'à La Dérive, il me semble que c'est au 91 rue Antoine Durafour, le 16 septembre, ouais c'est ça, le 16 septembre à 20h30, il y aura une lecture théâtralisée qui s'appelle « Louise Michel, le procès ». Un portrait de Louise Michel à travers sa comparution devant le 6e Conseil de guerre, complété de témoignages de ceux et celles qui l'ont croisée. Et du coup, j'imagine qu'il y aura une lecture de son procès parce que on peut le retrouver, par exemple, dans les annexes de ses mémoires. Son procès pour la participation à la Commune, hein, devant le Conseil de guerre. Et moi, j'avais envie de vous en lire un petit passage, mais je vous invite à venir donc le 16 septembre à La Dérive. C'est bien, 91 rue Durafour, à 20h30, où il y aura une lecture théâtralisée de son procès. Allez, moi je vous en dis un passage qu'on peut trouver en annexe de ses mémoires. Quand le président de la cour lui dit « Accusé, avez-vous quelque chose à dire pour votre défense ?» Elle répondra « Ce que je réclame de vous, qui vous affirmez conseil de guerre, qui vous donnez comme mes juges, qui ne vous cachez pas comme la commission des grâces, de vous qui êtes des militaires et qui jugez à la face de tous, c'est le champ de Satori où sont déjà tombés nos frères. Il faut me retrancher de la société, on vous dit de le faire. Eh bien, le commissaire de la République a raison, puisqu'il semble que tout cœur qui bat pour la liberté n'a droit qu'à un peu de plomb, j'en réclame une part, moi. » Si vous me laissez vivre, je ne cesserai de crier vengeance et je dénoncerai à la vengeance de mes frères les assassins de la commission des grâces. J'ai fini. Si vous n'êtes pas des lâches, tuez-moi. Bon, c'est une citation plutôt célèbre de l'ensemble de son procès. On verra pour la lecture théâtralisée si les personnes qui la font ont choisi cet extrait. Et moi, je vous lirai d'autres procès de elle plus tard. Donc, elle a refusé de se faire traiter comme une femme lors de ce procès où elle réclamait la peine de mort, en fait, comme ses frères, comme elle dit, qu'elle a vu tuer au champ de Satori, où les condamnés à mort de la commune étaient exécutés, quoi. Bon, elle sera condamnée à la déportation. Elle arrivera en Nouvelle-Calédonie le 13 décembre 1873. Voilà l'espace et le temps que j'ai choisi pour cette émission, la Nouvelle-Calédonie de la fin du 19e siècle. Reprenons. La Nouvelle-Calédonie, cet ensemble d'îles du Pacifique Sud, à un millier de kilomètres de l'Australie, et elle sera proclamée colonie française en 1853. Pourquoi ? Bah, pour l'extension de l'empire de Napoléon III, hein, qui vient de s'autoproclamer empereur des Français. Aussi parce que on fait peu de cas des gens qui habitent ces îles, qui sont déjà souffrant des maladies importées par les premiers contacts avec les religieux, les marins ou les aventuriers depuis quelques décennies. Donc une population amenée à s'éteindre, hein, d'après les colons. Mais aussi parce que Napoléon veut renforcer sa présence dans le Pacifique. Retenez bien ça, renforcer sa présence dans le Pacifique, eh ben, tout le monde a un peu envie de le faire. Et lui, à l'époque, il voulait renforcer face aux Néerlandais et aux Britanniques qui, eux, par exemple, colonisent l'Australie voisine. Et aussi, pourquoi elle sera proclamée colonie française ? Parce que Napoléon veut y fonder une colonie pénitentiaire. Tiens, une colonie pénitentiaire sur l'exemple de l'Australie, dont on rappelle que la fête nationale commémore l'arrivée de la First Fleet, une flotte de 11 navires remplis de bagnards et de militaires anglais destinés à coloniser l'Australie. Alors la colonie pénitentiaire, c'est double bénéf. Hein. On éloigne de la métropole les gens qu'on avait auparavant condamnés aux travaux forcés et qui piquaient le travail aux honnêtes gens, puisqu'ils travaillaient gratos. Hein. Du coup, on les éloigne de la métropole. Et ces personnes-là servent de premiers colons pour peupler les nouvelles terres de l'Empire. On voit donc arriver en Nouvelle-Calédonie depuis 1864 des soldats et des bagnards sous leurs ordres. Avec les curés évangélisateurs qui y étaient déjà, des soldats et leurs esclaves, on peut dire que les autochtones sont bien servis. C'est dans ce contexte que Louise Michel arrive fin 1873 en Nouvelle-Calédonie en tant que condamnée à la déportation par le tribunal de guerre d'Adolphe Thiers pour sa participation à la Commune. On trouvera avec elle, et par la suite, d'autres insurgés de 1871, donc des communards. Mais encore d'autres insurgés de 1871, ce sont les insurgés de Kabylie qui luttaient, eux, contre la colonisation de l'Algérie, en même temps, quoi, en même temps que la Commune. Et bah, beaucoup passeront du temps en prison et seront finalement déportés en Nouvelle-Calédonie, comme ce qu'on appelle les communards, quoi. Et elle, Louise Michel, elle y restera 7 ans, pendant lesquels elle créera une école pour enfants de déportés, et elle rentrera beaucoup en contact avec les Kanaks. Elle apprendra même une langue Kanak, et en restituera les légendes et contes. C'est probablement cette proximité avec les Kanaks, mais aussi son goût de la liberté, qui va l'amener à être une des rares personnes blanches à soutenir la grande révolte Kanak de 1878. Si je veux parler de cette révolte des Kanaks de 1878, c'est pas spécialement pour dire que c'est bien de se révolter, mais pour mettre en lumière plusieurs choses. Je vous avais dit qu'on allait les éclairer d'un point de vue antimilitariste. Mais revenons à l'histoire d'abord. Entre 1870 et 1878, les spoliations de terres s'accélèrent, les colonies pénales s'étendent et se multiplient, et donc ça alimente la grogne des autochtones. Ils se soulèvent en 78 après une sécheresse terrible qui a entre autres poussé le bétail des colons à chercher la nourriture dans les plantations des Kanaks. Cette anecdote de la sécheresse, si elle n'est pas la seule explication, elle me sert à faire un parallèle un peu osé, certes, mais après tout, Napoléon a envoyé des indésirables, entre guillemets, servir de front pionnier en Nouvelle-Calédonie. Et sur place, on voit que ce sera le bétail des colons qui continuera le harcèlement des Kanaks, en grignotant, au sens propre et au sens figuré, en grignotant petit à petit les terres Kanaks. D'un bout à l'autre, on envoie les inférieurs, entre guillemets, servir les intérêts de l'État, ou de l'Empire à l'époque. C'est un peu osé de faire ce parallèle entre les bagnards et le bétail, mais ce sont deux populations humaines et non humaines qui sont soumises à l'autorité et qui servent à avancer le front pionnier, hein, comme on disait, sur les territoires autochtones, au bénéfice du pouvoir. Alors, il ne faut pas accabler ni les bagnards, ni le bétail, mais plutôt s'intéresser à l'utilisation qu'on va faire des personnes et des animaux. Sauf que, le 25 juin 1878, des Kanaks se révoltent et attaquent. L'ampleur des attaques fait peur au gouverneur, qui estime qu'il a trop peu de moyens pour mater l'insurrection. On rappelle qu'à l'époque, il y avait un rapport de 1 sur 4 entre la population autochtone et la population arrivée, qu'elle soit déportée, que ce soit des soldats. Du coup, il y avait 4 fois plus de personnes autochtones sur l'île que de personnes arrivées avec l'Empire, quoi. Dans un but de colonie, quoi. Catastrophe. Comment le pouvoir va-t-il se dépêtrer de la colère insurrectionnelle des colonisés ? Eh bien, c'est un historien militaire qui nous raconte. Mais vous me direz, pourquoi je donne tout le temps la parole à des bidasses ? Ben, comme dirait un copain, parce que c'est les seuls qui sont sérieux, ils sont où les antimilitaristes ? Mais surtout parce qu'en fait, ils n'y vont pas par quatre chemins. Et le cynisme du discours dont je vais vous donner des exemples, est assez éloquent. Et ouais, et en plus, en termes de contre-insurrection, l'armée, elle a tout intérêt à maîtriser son sujet. D'autant plus l'armée d'un État colonialiste. Et la France est plutôt experte en la matière. On rappelle que depuis la guerre d'Algérie, elle exporte son savoir-faire au monde entier. Donc, pour cette grande révolte Kanak, on interroge Guy Bierman, militaire et historien militaire, qui nous donne des détails dans son article « Le recrutement extraordinaire en Nouvelle-Calédonie pendant la grande révolte Kanak de 1878 ». Et ouais, assez vite, les autorités comprennent qu'elles manquent d'effectifs et que le mouvement insurrectionnel risque de s'étendre. Du coup, Guy Bierman, il nous dira... Il faut rallier au plus vite les tribus non encore soulevées pour, au pire, les maintenir dans une stricte neutralité, privant ainsi les insurgés d'un renfort potentiel important, et, au mieux, utiliser leurs forces dans la lutte contre la rébellion. Pendant près d'un an, de nombreux officiers vont tenter d'obtenir le ralliement d'un maximum de tribus, arguant des rivalités tribales, usant de la persuasion ou de leur charisme, comme le lieutenant Servant, ils vont parvenir à entraîner dans la lutte, aux côtés des forces françaises, près de 1500 guerriers Kanak. Ah ouais, on va engager des Kanak pour se battre contre des Kanak. Mais on leur fait pas vraiment confiance. Du coup, le recours aux forces d'une tribu n'étant pas toujours sans poser de problème. Tout en étant soumise, la tribu peut respecter d'anciens accords passés avec d'autres clans, ou même ne mener la lutte que dans son seul intérêt, sans trop s'occuper des impératifs tactiques des autorités françaises. Ceci explique la manière suivant laquelle, au cours de la Grande Révolte de 1878, sont systématiquement employées les troupes Kanak. Quel que soit le type d'opération dans laquelle elles sont engagées, les chefs militaires français cherchent d'abord à disperser les éléments mélanésiens au sein de la colonne régulière pour éviter une trop grande concentration de natifs. Et oui, il ne faudrait surtout pas qu'ils s'entendent entre eux et qu'ils changent d'intérêt au cours de ces batailles, quoi. De plus, on va pas leur donner trop d'armes, hein, dans le même ordre d'idées. Page suivante, on peut lire « Dans le même ordre d'idées, les troupes indigènes ont dû, à l'exception de quelques chefs armés de fusils, conserver leur armement traditionnel, constitué de sagaies et de casse-têtes, ce qui les rendait en général moins bien armés que les insurgés. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. En continuant la lecture de cet article, on peut lire ceci. Il est à remarquer que, quel que soit le type d'unité formée, les autorités disposent d'une importante réserve humaine. Et je vous avais dit qu'ils n'allaient pas par quatre chemins, les militaires. De la réserve humaine. Alors, les autorités disposent d'une importante réserve humaine du fait que la majorité de la population masculine adulte européenne se porte spontanément volontaire pour servir contre la rébellion. Et ceci, bien que la mobilisation générale n'ait pas été décrétée. Mais alors attends, vous me voyez venir. Vous me voyez venir en fait. Les soldats, ils sont déjà mobilisés. Du coup, il reste qui? Il reste qui à mobiliser? Eh ben ouais, en fait, ça va être les déportés, communards et insurgés de Kabylie qui ont auparavant lutté contre le gouvernement. Encore une citation. La première levée de volontaires effectuée en Nouvelle-Calédonie a lieu le 25 juin, le jour même du déclenchement de la révolte, et est exclusivement composée de déportés. Ainsi que le fait remarquer Madame Doucet-Linhart, on pourrait penser que ces hommes, accusés d'être de dangereux révolutionnaires, puissent éprouver une certaine compréhension ou de la sympathie envers le mouvement insurrectionnel. Il n'en est rien. Pour les anciens communards, il est clair que le combat des insurgés mélanésiens ne leur rappelle en rien celui qu'ils livrèrent jadis contre les Versaillais. Pour eux, comme pour la majorité des Européens de l'île, il s'agit d'une lutte de sauvages contre des civilisés et les déportés se rangent évidemment du côté de la race supérieure. » Alors là, c'est une citation à l'intérieur de la citation de cet historien militaire. Hein. Voilà, donc ça fait assez froid dans le dos. On disait, certes, de côté de la barricade, mais attention, hein, ça peut changer au bout d'un moment. Alors voilà, il y a aussi le caniveau. Et les autorités, certes, du coup, ces dangereux révolutionnaires qui se sont levés contre du côté des civilisés, entre guillemets, on leur fait pas hyper confiance non plus. Hein. Page 628 toujours. Les autorités étant convaincues de la nécessité absolue d'un chef militaire à la tête de tout corps franc. Et oui, les chefs, cette obsession de l'armée. En fait, dès que l'armée est arrivée en Nouvelle-Calédonie, on peut lire ça sans trop se soucier du mode de fonctionnement des clans. Un arrêté administratif crée ou applique la notion de tribu afin d'affirmer la responsabilité solidaire des habitants d'un même espace physique en cas d'exaction. Chacune d'elles représente un être moral collectif, administrativement et civilement responsable des attentats commis sur son territoire, soit envers les personnes, soit envers les propriétés. C'est aussi l'instauration de chefferies avec des petits chefs et des grands chefs. Et ça, c'est bien pratique pour spolier les terres. Une fois qu'une personne fait une bêtise, c'est le chef et toute la tribu qu'on a inventée qui va être responsable. Et d'ailleurs, le géologue Jules Garnier aurait dit en 1862 « Il est heureux que les indigènes fassent de temps en temps quelques escapades, car leurs terres confisquées viennent aussitôt grossir la richesse publique et servir aux colons. » Garnier, le géologue, donnera son nom à la découverte de la garniérite, un minerai à forte concentration de nickel, mais on en reparlera. Donc les chefs, cette obsession militaire, Louise Michel, quant à elle, elle va être quasi la seule à soutenir les insurgés, les révoltés. Elle dira ceci à ses camarades. Elle dira ceci. Comment n'êtes-vous pas avec eux, vous, les victimes de la réaction? Vous qui souffrez de l'oppression et de l'injustice, est-ce que ce ne sont point nos frères? Eux aussi, lutter pour leur indépendance, pour leur vie, pour la liberté. Moi, je suis avec eux, comme j'étais avec le peuple de Paris, révolté, écrasé et vaincu. Et quant à savoir ce qu'elle pense, Louise Michel, ce qu'elle pense des chefs, c'est dans la recension d'un autre procès, le procès de la manifestation dite des Invalides, une fois qu'elle sera retournée en métropole. Elle participera à une manifestation qui sera réprimée et on l'accusera d'avoir diligenté une émeute ou un pillage de boulangerie, je crois. Et toujours pareil, dans les annexes de ses mémoires, on peut lire la recension du procès et sa plaidoirie. J'en lis un petit extrait. Nous savions que la manifestation des Invalides n'aboutirait pas et cependant, il fallait y aller. Nous sommes aujourd'hui en pleine misère. Nous n'appelons pas ce régime-là une république. Nous appellerions république un régime où on irait de l'avant, où il y aurait une justice, où il y aurait du pain pour tous. Mais en quoi votre république diffère-t-elle de l'Empire? Que parlez-vous de liberté de la tribune avec 5 ans de bagne au bout? Je n'ai pas voulu que le cri des travailleurs fût perdu. Vous ferez de moi ce que vous voudrez. Il ne s'agit pas de moi, il s'agit d'une grande partie de la France, d'une grande partie du monde, car on devient de plus en plus anarchiste. On est écœuré de voir le pouvoir tel qu'il était sous Bonaparte. On a déjà fait bien des révolutions. Sedan nous a débarrassés de Bonaparte. On en a fait une au 18 mars, vous en verrez sans doute encore. Et c'est pour cela que nous marchons plein de confiance vers l'avenir. Sans l'autorité d'un seul, il y aurait la lumière, il y aurait la vérité. Il y aurait la justice. L'autorité d'un seul, c'est un crime. Ce que nous voulons, c'est l'autorité de tous. Monsieur l'avocat général m'a accusé de vouloir être chef. J'ai trop d'orgueil pour cela, car je ne saurais m'abaisser. Et être chef, c'est s'abaisser. Mais revenons à Guy Bierman, cet historien militaire. Dans le résumé de son article, il le conclura comme ça, et c'est très important pour lui. Au-delà de l'impact militaire de la révolte, il faut retenir l'idée d'associer indigènes, colons, déportés et soldats réguliers dans le but de contrôler l'ensemble des paramètres tactiques et psychologiques inhérents à tout soulèvement de type insurrectionnel. Donc, nous avons vu, en parlant de la révolte Kanak de 1878, la supériorité militaire par le recrutement, par les paramètres tactiques et psychologiques, pour faire face à ce soulèvement de type insurrectionnel, nous dira Guy Bierman. Mais il y a une autre supériorité, et ouais, c'est les armes. Et ouais, les soldats français sont armés du fameux fusil Chassepot, le premier fusil qui se charge par la culasse, du nom de son concepteur Antoine-Alphonse Chassepot, contrôleur de la manufacture d'armes de Châtellerault puis de Saint-Étienne. Et ouais, les fusils qui ont servi à faire la guerre à la Prusse, qui ont servi à réprimer la Commune de Paris, mais aussi à massacrer 1000 à 1500 Kanaks en 1878, ont été fabriqués entre autres à Saint-Étienne. Mais bon, après tout, fabriquer des armes, ça crée de l'emploi, non? Fabriquer des armes, ça sert le pouvoir, que ce soit le royaume, l'empire ou la république. Voilà ce qu'on peut retenir d'un point de vue antimilitariste par rapport à cette grande révolte Kanak, les techniques contre-insurrectionnelles que l'armée étudie soigneusement, les recrutements divers, que ce soit dans la population des déportés, des soldats, bien sûr, mais aussi des Kanaks entre eux, en jouant de persuasion, comme dirait Guy Bierman, ou par notre charisme. Voilà, il parle beaucoup du lieutenant Servant, qui a l'air d'avoir bien réussi à embrigader pas mal de monde derrière lui. Et aussi pour manier, se défaire d'un mouvement de colère, eh bien, évidemment, il faut fabriquer des armes. Et Saint-Étienne, à l'époque, était bien placé pour les produire. On s'arrête là pour Louise Michel en Kanaki. Pour en savoir plus, vous pourrez vous rendre disponible le samedi 21 septembre dans deux lieux. Alors, le premier, c'est l'Estanco, à partir de 16h. Un spectacle familial sera donné qui s'appelle Légende Kanak. De ses 7 années d'exil en Kanaki, Louise Michel revient chargée de la mémoire du peuple qu'elle a rencontré, de gestes, de paysages et d'histoires. Une lecture musicale de la compagnie Voilà, accompagnée par Xavier Michel et Françoise Basset. Ça, c'est à l'Estanco à 16h le samedi 21 septembre. Et l'Estanco, c'est au 10 rue Henri Dunant. Et il va falloir faire vite pour rejoindre l'événement suivant qui est au Choc Théâtre à 19h et qui présente trois œuvres. Un documentaire intitulé « Louise Michel, la Vierge Rouge ». Une rencontre avec l'autrice du livre « Louise Michel en Algérie », cette rencontre intitulée « Louise Michel entre Kanaki et Algérie ». Et enfin, « Écho de la révolte parisienne dans l'Orient », contribution de Mohamed Amatouche. Donc ça, c'est toujours le samedi 21 septembre, mais à partir de 19h, au Choc Théâtre. Et le Choc Théâtre, c'est au 24 rue Bernard Palissy. Et je le sais en lisant le fly qui présente toute la quinzaine Louise Michel. Voilà, il y a encore plein d'autres événements. Pour ce qui nous concernait, j'ai choisi de parler de ces événements du 21 septembre à l'Estanco à 16h, puis au Choc Théâtre à 19h. Ça, c'est pour plutôt, on va dire, son passage en Kanaki et en Algérie, parce qu'elle ira en Algérie après. Et pour parler de son procès, j'ai choisi de vous parler du lundi 16 septembre à 20h30 à La Dérive. Ça, c'est son procès au Conseil de guerre. Toujours sur Radio Dio 89.5 FM, dans l'émission J'irai pas, une émission antimilitariste tous les premiers mercredis du mois. Ce mois-ci, on parlait de la grande révolte kanak de 1878 et du rapport de Louise Michel avec cette révolte, dont elle a été une des seules parmi les déportés à la soutenir, plutôt que de lutter contre, quoi, d'être engagée pour lutter contre cette révolte. Et la révolte de 1878 a été écrasée par le gouvernorat, on en parlait, hein, par les différentes tactiques physiques et psychologiques militaires. Et il y aura d'autres rébellions, notamment en 1917 et en 1984-88, période dite des événements, pendant laquelle il y a eu la fameuse prise d'otage d'Ouvéa. À ce propos, on pourrait lire un article hyper cynique dans le fascicule numéro 13 de l'Encyclopédie des Nuisances, daté de juillet 1988, qui nous rappelle que, comme 150 ans auparavant, pour Napoléon, la France veut garder une présence dans le Pacifique. Je vous en parlais, de cette présence dans le Pacifique que voulait garder Napoléon face aux Britanniques à l'époque. Eh bien, en 88, c'est toujours pareil. Hein. C'est toujours pareil. Pourquoi ? Entre autres, d'après l'article de l'Encyclopédie des Nuisances, entre autres parce qu'il y a le CEP, le Centre d'expérimentation du Pacifique. C'est le centre qui a conduit les 190 essais nucléaires en Polynésie française entre 1966 et 1996. Pendant 30 ans, il y a eu 190 bombes atomiques qui ont pété, des bombes françaises, hein, qui ont pété en Polynésie française. Alors vous me direz, la Polynésie française, c'est loin de la Nouvelle-Calédonie. Mais bon, à l'époque, en 84-88, pendant les 10 événement, il n'aurait pas fallu qu'une indépendance de la Nouvelle-Calédonie donne des idées aux habitants, habitantes de la Polynésie. Parce que la France voulait continuer d'y faire péter ses bombes. Et d'ailleurs, en fait, si on lit encore un militaire dont j'ai oublié le nom, il nous précise, si on se renseigne sur ce centre d'expérimentation du Pacifique, il nous précise que si la Nouvelle-Calédonie a échappé de peu à devenir elle-même un centre d'essai de bombes atomiques françaises, c'est à cause ou grâce aux pressions de la Nouvelle-Zélande et de l'Australie qui se considéraient un peu trop proches pour que des bombes françaises pètent en Nouvelle-Calédonie. Donc en fait, finalement, la Nouvelle-Calédonie était dans les candidates autoproclamées, hein, on désigne des volontaires, pour accueillir ce centre d'essai, d'expérimentation du Pacifique. Mais finalement, c'est la Polynésie française qui a été choisie avec les résultats qu'on sait, hein, c'est-à-dire tout le monde est hyper radieux, non, ravi, enfin... radioactif peut-être, le centre d'expérimentation du Pacifique. Et comme l'encyclopédie des nuisances est plutôt connue pour ne pas faire de concessions, dans l'article dont je parle, les partis indépendantistes prennent aussi pour leur grade. On pourrait lire ceci, qui est un peu osé, mais bon. L'idéologie indépendantiste elle-même est tout aussi déplacée en cette fin de siècle, vieille réponse forcée à un mauvais problème qui n'aurait pu trouver de solution que dans le cadre immensément plus vaste de la libération générale de l'humanité. Bon, je vous avais prévenu, c'est cynique, bah, c'est l'encyclopédie des nuisances. Effectivement, c'est vrai, on peut réclamer la libération générale de l'humanité plus que la libération d'une île, de la colonisation française. Mais bon, c'est déjà pas mal, ça me permet de raccrocher les wagons avec la période contemporaine. Vous le savez, depuis mai 2024, des mouvements de révolte très puissants secouent l'archipel. Et... ces mouvements de révolte qui vont vers l'indépendance et peut-être plus loin vers la libération générale de l'humanité. C'est trop facile pour l'encyclopédie des nuisances de les critiquer, ces mouvements. Mais encore une fois, ça intéresse l'armée. Ça intéresse l'armée qui déjà, depuis 2021, étudiait l'influence chinoise. Écoutons ce que nous dit l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire en 2021, un rapport beaucoup trop long pour que j'aie eu le temps de le lire, mais dont on peut lire à la page 401, ceci, au sujet de la Nouvelle-Calédonie, des mouvements indépendantistes. Il est dans l'intérêt de Pékin d'encourager les mouvements indépendantistes pour récupérer des parts de marché ou fragiliser de potentiels adversaires. Deux raisons non exclusives que l'on retrouve notamment dans deux exemples. Le premier, c'est la Nouvelle-Calédonie et le deuxième, c'est Okinawa. Alors là, je vais lire juste ce qui suit à propos de la Nouvelle-Calédonie. Ce rapport de l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire de 2021 dit... S'il y a eu des soupçons d'ingérence chinoise dans le référendum de 2018 sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, et si Pékin suit de près la progression du camp indépendantiste confirmée par le référendum de 2020, c'est parce que une Nouvelle-Calédonie indépendante serait de facto sous influence chinoise et présenterait au moins deux intérêts majeurs pour le parti État. D'abord, elle deviendrait la clé de voûte de la stratégie anti-encerclement chinoise, tout en isolant l'Australie. Puisque, en plus de Nouméa, Pékin pourrait s'appuyer sur Port Moresby, Honiara, Port Vila et Suva. Ensuite, elle assurerait également à la Chine un approvisionnement en matières premières, notamment en nickel. Tiens, la garniérite. On en parlait déjà en 1870, quand Jules Garnier découvrait ce minerai très riche en nickel. Pékin a donc plusieurs raisons d'encourager l'indépendance de ses territoires tout en entretenant des relations avec l'élite politique et économique locale. Donc, attention, hein, Le mois dernier, on avait dit que c'était pas bien de dire que la France conservait des pratiques néocoloniales, qu'elle exploitait des anciennes colonies à ses fins propres. Mais là, c'est pas moi qui le dis, c'est l'IRSEM, l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Bah, si on lit entre les lignes, en disant qu'il ne faut pas laisser à la fois le territoire pour que ça devienne une zone exclusive de la Chine et les ressources pour que la Chine s'approprie le nickel, eh ben, ne dit pas autre chose que de dire qu'il faut qu'on le laisse à la France. Mais c'est pas moi qui l'ai dit, c'est l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Bon, peut-être qu'ils pourront voir... alors les auteurs, c'est qui ? Les auteurs à la première page, on les aura si je vais à la première page du rapport. C'est Paul Charron et Jean-Baptiste Jean-Gène Villemer. Donc peut-être qu'ils auront une petite discussion avec les sénateurs, puisque... On m'entend mieux, là, ouais. Puisque les sénateurs disent que c'est pas bien de dire que la France conserve des pratiques néocoloniales et qu'elle exploite des anciennes colonies à des seules d'exploitation, par exemple de ressources ou de territoires. Et effectivement, le nickel, comme on nous le rappelle dans différents articles, le nickel en Nouvelle-Calédonie, c'est entre 20 et 30% des réserves mondiales. Et il faut savoir que les mines, l'activité minière, par exemple, aujourd'hui, elle constitue, je crois, trois quarts de l'utilisation de l'énergie sur l'archipel, quoi. Et en parlant du territoire qui pourrait... être cédé à la Chine, effectivement, c'est pas délirant de... Il y a des articles qui disent qu'une indépendance de la Nouvelle-Calédonie, ce serait une nouvelle colonisation de la Chine. Et même les rapporteurs militaires le disent aussi. Mais du coup, ça veut dire qu'ils admettent que c'est une colonisation de la France aussi. Et à savoir l'archipel de la Nouvelle-Calédonie, c'est la deuxième zone économique exclusive. Donc c'est le pourtour et les côtes. Et les côtes... j'ai un problème avec le micro... Les zones côtières de l'archipel, du coup, ça constitue la deuxième plus grande zone économique exclusive de la France, après la Polynésie aussi. Donc voilà, là, ça intéresse la France de ne surtout pas lâcher ce territoire. Napoléon parlait d'une présence française dans le Pacifique. Eh ben, on en parle encore aujourd'hui, et ce sont les chercheurs de l'IRSEM, par exemple, qui le disent en disant qu'il ne faudrait pas que ça profite à la Chine. Et ben voilà, on a glissé par un long mouvement morbide de l'histoire à l'actualité. Hein. Alors on continue, après tout, il faut bien qu'on se donne des nouvelles du monde qu'on n'a jamais connues autrement, plutôt que de le falsifier avec les Jeux Olympiques ou les séries télévisées. Si on reste dans le Pacifique, on peut prendre des nouvelles de l'Australie, qui vient de conclure une alliance à 511 millions d'euros avec un groupe norvégien pour produire des missiles. Voilà, donc elle ne se lance pas dans la production de chaussettes ou de betteraves, elle se lance dans la course à l'armement, poussée de ce côté du monde par les velléités de la Chine. Alors, pour les bienfaits d'une entreprise norvégienne, hein, et dans le domaine de l'export, on va parler de Macron qui revient tout juste d'un voyage en Serbie, les 29 et 30 août. Alors pourquoi il est allé en Serbie ? Parce que il allait finaliser un contrat qui lie la Serbie à Dassault. Dassault, ils ne vendent pas des Chocobéennes, ils vendent des Rafales. Et ils viennent de signer un contrat pour vendre 12 Rafales pour 3 milliards d'euros à la Serbie. Et si on lit d'autres articles, par exemple la Tribune du 27 août, nous dit que le président serbe est aussi très intéressé par une centrale nucléaire construite par EDF sur place. Si on lit Le Monde du 28 août, Le Monde rajoute des craintes en parlant de l'autoritarisme du gouvernement serbe, mais aussi de sa proximité avec la Russie, avec la Chine, tout en recevant, en même temps, le chancelier allemand qui, lui, lorgne sur l'ouverture d'une mine de lithium en Serbie, qui a jusque-là, le projet de mine, jusque-là, il était très contesté dans le pays, mais ça intéresse l'Allemagne, donc peut-être qu'il va falloir accélérer les choses et donc la dévastation. Oh, we're the same man. Lituanie maintenant. Cette petite revue de presse. En Lituanie, un article effrayant du Figaro, daté lui aussi du 28 août, qui nous apprend que la Lituanie relance le débat sur les bombes à sous-munitions. Elle a décidé de se retirer de la convention d'Oslo, signée par 112 pays, qui bannissait 112 pays qui bannissaient les armes à sous-munitions. Pourquoi ? Ben parce que maintenant, c'est la guerre. Citation. La priorité n'est plus d'afficher des valeurs, mais d'assurer la protection des citoyens. Mais attends, les bombes à sous-munitions, c'est pas les bombes qui dispersent d'autres bombes et des projectiles partout et qui tuent de manière indifférenciée sur un large périmètre ? C'est pas les bombes qui sont le contraire de la protection des citoyens ? Si, si, mais on parle plus de valeurs. Et en plus, les méchants, eux, ils les utilisent, eux. Mais attends, ça fait pas 2 ans et demi qu'on nous dit justement que Poutine ne respecte rien, qu'il faut défendre des valeurs occidentales, etc. Oui, mais là, il n'y a plus de valeurs, c'est la guerre. Ah, donc c'est du pipeau, ces histoires de valeurs. Et en plus, ces bombes-là, c'est pas les bombes que, lorsque les munitions, elles n'ont pas explosé, qui peuvent sauter sous les pieds des civils n'importe quand ? Si, si, mais le taux d'erreur est faible. Et en plus... Des études menées pendant la guerre du Vietnam, allons bon, en plus d'arroser les forêts de napalm, on faisait des études. Et ouais, la première guerre informatisée a été très étudiée par les Américains. Alors, que nous dit le Figaro sur cette étude ? Eh bien, citation du Figaro du 28 août, « Les recherches menées par l'armée américaine pendant la guerre du Vietnam ont montré qu'il fallait 13,6 obus pour tuer un combattant ennemi avec des obus de 155 mm standard. » Et seulement 1,7 avec des obus à sous-munitions. Voilà, c'est assez effrayant. Voilà où ça nous mène les recherches scientifico-militaires. Il faut 16,7 obus normaux pour tuer un soldat, alors qu'avec des obus à sous-munitions, c'est-à-dire beaucoup plus destructeurs et qui vont tuer des civils, il n'en faut plus que 1,7. La science a parlé. Voilà. Notons que la bombe atomique, c'est encore plus efficace, non ? Mais ça serait peut-être pas socialement acceptable. Et si c'était la guerre qui n'était pas socialement acceptable ? Si c'était tuer des gens qui n'étaient pas socialement acceptables ? Allez, puisqu'on a parlé des États-Unis et des études américaines pendant la guerre du Vietnam, eh ben on va y rester pour la dernière info d'aujourd'hui, plutôt positive celle-là. C'est l'usine Nouvelle, le journal du 26 août qui nous en parle. L'usine Nouvelle, elle titre « Des employés de DeepMind prennent position contre les contrats militaires de Google ». Ah ben tiens, il était temps. Alors DeepMind, c'est la division intelligence artificielle de Google, dont 200 employés ont écrit une lettre ouverte pour demander à Google d'abandonner ses contrats avec des organisations militaires. Ils font référence entre autres au Project Nimbus, Nimbus à 1,2 milliard de dollars. Et citation de l'article, Project Nimbus s'avère être un contrat signé en avril 2021 visant à rationaliser toutes les opérations gouvernementales et militaires d'Israël en un seul service cloud. Remporté par Google et Amazon, ce contrat de 1,2 milliard de dollars inclut également d'autres services additionnels, des outils d'intelligence artificielle, d'apprentissage automatique avancé, etc., etc. Il donnerait à Israël des capacités de détection faciale, de catégorisation automatisée des images, de suivi des objets et même d'analyse des sentiments qui prétend évaluer le contenu émotionnel des images, de la parole et de l'écriture. Selon les employés d'Amazon et de Google, le projet est tout autre. Cette technologie permet une surveillance accrue et une collecte illégale de données sur les Palestiniens et facilite l'expansion des colonies illégales d'Israël sur les terres palestiniennes. Alors, du coup, ils ont plusieurs fois appelé à cesser cette participation au projet Nimbus, mais bon, 1,2 milliard de dollars, hein, et aussi avec toutes les organisations militaires, qu'elles soient américaines ou autres. Donc ça fait du bien, je trouve, c'est assez positif de voir que des employés réagissent et se rendent compte à quoi ils collaborent. Et d'ailleurs, il y a quelques employés qui sont entrés dans les bureaux, donc ils sont employés de Google, hein, ils sont rentrés dans les bureaux pour perturber le travail dans les bureaux et se sont fait virer. Dans le même article, on lit « Google a annoncé avoir licencié 28 employés après que certains d'entre eux ont participé à des manifestations contre le contrat de cloud de l'entreprise avec le gouvernement israélien ». Donc Google est assez puissant pour virer ceux qui les dérangent. Et si il me reste à peine quelques minutes, si on parle, alors je voulais finir sur une info positive, c'est celle-ci, hein, c'est celle du fait que des employés réagissent à l'utilisation de leur force de travail à faire semer la destruction, quoi, et la guerre. Donc ça c'est plutôt cool de la part des employés américains. Mais bon, en fait, je viens de voir qu'il y avait une autre info qui concerne la France et qui, elle, est beaucoup moins réjouissante. C'est un rapport qui a été publié le 3 septembre, que j'ai pas eu le temps de lire, mais je vous lis le chapeau d'un article de Obsarm.info qui nous dit « La France a-t-elle cédé aux demandes pressantes de l'industrie d'armement israélienne induite par la guerre à Gaza ?» C'est la question qui se pose quand on examine la dernière édition du rapport au Parlement sur les exportations de biens à double usage qui montre une forte augmentation des transferts à Israël. 192 millions d'euros en 2023 contre 34 millions d'euros en 2022. Donc, ça fait quoi ça? Ça fait 6 fois plus quoi. 6 fois plus d'argent qui a été exporté, enfin du coup de marchandises, à double usage. À double usage, ça veut dire qu'elle peut avoir des usages à la fois civils et militaires, c'est-à-dire un drone pour faire des jolies vidéos de vacances ou pour larguer des bombes, hein, parlons clairement. Et du coup, ces exportations à double usage, le chiffre des exportations a l'air d'avoir sextuplé, passant de 34 millions d'euros en 2022 à 192 millions d'euros en 2023. Bon, alors il faudra lire lire l'article en entier pour en savoir plus, hein. Pour l'instant ce sont des suppositions. Je vous invite à aller voir le site obsarm.info dont c'est le dernier article, ouais, qui est daté d'hier, le 3 septembre 2024. Quant à nous, on va se retrouver le mois prochain. Je vais mettre une petite chanson pour laisser le temps aux voisines de Cours le vieux monde est derrière toi de s'installer. C'est l'émission qui va suivre à 18h sur Radio Audio 89.5 FM. D'ici là, à bas l'armée, vive l'amitié, à bas la guerre et vive la lutte. Bienvenue au pays de la double peine. Y'a du Chirac, du Sarko et du Le Pen. Nous le képi, nous traque sans répit. Répond à ses fonctions sans connaître le mot sommation. Où on libère Papon, le français de Vichy. Incarcère chouchou de place Clichy. Où le basané est un cliché. Fichu, fiché, fauché, recherché et puis lynché. Bienvenue ça, dans la crasse. Égalité des chances, où c'est à peau qu'on chasse. De place ou tutelle, de foyer en hôtel. Où les bâtis sont insalubres et mortels. Bienvenue, les prisons sont surpeuplées. Part de la banlieue comme d'un zoo à contempler. Ou en t'embauche selon ton teint, tes lèvres et ton zen. Mais qui a dit soyons zen? La France, celle que je te livre, pour qui je n'ai que des insultes sur le bout de mes lèvres. Celle France, bleu, blanc, rouge. Le flic, le porc, le bourge. La France, celle que je te livre, pour qui je n'ai que des insultes sur le bout de mes lèvres. Celle France, bleu, blanc, rouge. Le flic, le porc, le bourge. Et la haine ne date pas d'hier, et la haine ne date pas d'hier, et la haine, et la haine ne date pas d'hier.